les chroniques BD. L'homme qui n'aimait pas les armes à feu. C'est l'histoire d'un gentleman, avocat d'affaires, droit dans ses bottes, un peu guindé, à la poursuite de sa femme, dans un décor qui détonne avec le personnage. On est dans une ambiance western, on est au début du XXe siècle aux États-Unis. On va croiser donc des bandits mexicains, des indiens, on va traverser une partie de l'Amérique encore sauvage, mais pas de quoi froisser le gilet de notre héros, Maître Byron Peck, toujours propre sur lui. Pour un homme qui n'aime pas les armes à feu, il va plutôt pas mal s'en servir. En effet, donc notre héros, Maître Byron Peck, poursuit sa femme Margot, car elle lui aurait dérobé des documents précieux. Il entame donc un étonnant périple à l'aide de son majordome, homme à tout faire, la baraque à glace Mr. Hogard. Un homme qui ne grommelle que des insultes que l'on devine à l'intention de Margot, la salope. Ce n'est pas que les documents, donc, qui motivent les deux hommes à poursuivre Margot. Chacun y va de ses intérêts. D'autres personnages s'ajouteront à l'histoire et chacun aura sa propre motivation pour rattraper la jeune femme. Mais Margot a plus d'un tour dans son sac. Si on ajoute des atouts à peu de scrupules qui en feraient rougir plus d'un, ceux qui sont à sa poursuite ne sont pas prêts de l'attraper. Alors l'aventure se déroule en 4 tomes. L'homme qui n'aimait pas les armes à feu, c'est un périple donc assez sympa, un peu d'humour, un peu d'action, des personnages avec du caractère, des traits qui ont l'air clichés mais pas tant que ça. Même Margot, qui paraît donc un monstre manipulateur, eh ben vous verrez, elle a quand même des côtés humains. Et à la fin de l'histoire, on se demande même qui sont les gentils et s'ils ont vraiment des scrupules. Je vous laisse juger par vous-même. Donc c'est une histoire qui tient la route. Ne vous inquiétez pas, vous finirez bien par savoir pourquoi cet homme n'aime pas les armes à feu et pourquoi ce détail a tant d'importance dans l'histoire. Donc ces 4 tomes sont disponibles à la médiathèque de Remiremont. C'est plutôt pour un public ado-adulte. C'était L'homme qui n'aimait pas les armes à feu de Wilfried Lupano et de Paul Salomon. Les chroniques BD. Une BD un peu plus particulière, voilà, différente, qui s'appelle le GKND. Alors c'est le Geekctionnaire, A Story About Geeks, Kilobytes, Nerds and Debugging. On suit le quotidien d'étudiants en informatique à Grenoble, deux amis qui vont faire une rencontre du troisième type, donc c'est le titre du premier album, et cette rencontre donc c'est avec une fille, une geekette encore plus calée qu'eux, et ça les deux amis vont avoir du mal à l'accepter. Donc si vous n'êtes pas un pro de l'informatique, ne vous inquiétez pas, vous vous reconnaîtrez en tant qu'étudiant. Je pense que mater une série jusqu'à 4h du matin au lieu de réviser, on connaît un peu tout ça. Après, si vous connaissez 2-3 principes du monde de l'informatique, en effet vous rigolerez à plus de blagues. Niveau dessin, ça va peut-être vous surprendre, on est en noir et blanc, c'est vraiment hyper simple. On n'est vraiment pas là pour les graphiques, mais clairement pour le scénario et surtout pour le principe de la BD. Parce qu'en effet, l'auteur, Guy, il promeut tout ce qui est libre. Donc si vous connaissez Framasoft et tous ses dérivés, donc tout ce qui est un peu alternative à Google, et ben, vous serez ravis de jeter un œil sur donc, ce que Guy a fait par ailleurs. Donc la BD, le GKND, le Geekctionnaire est donc sous licence libre. Ça, c'est vraiment pas commun pour les BD. Et vous pourrez donc acheter donc, sa BD en papier, donc, ou bien la lire ou la télécharger sur Internet, et tout en restant légal. C'est en 5 tomes, la série est finie, et c'est à découvrir sur framabook.org, et c'est le Geekctionnaire, donc GEEKTIONNERD, de Guy. Le réseau des médiathèques de la Porte des Vosges méridionales, c'est plusieurs sites. Remiremont, Saint-Étienne-les-Remiremont, Saint-Nabord, Vecoux, Éloy et Dommartin-les-Remiremont. Vous pouvez réserver à n'importe quelle médiathèque. La BD arrivera là où vous avez réservé. Et bien sûr, vous pouvez déposer les BD dans n'importe quel site. Vous avez aimé une BD, vous aimeriez partager vos lectures avec les auditeurs? N'hésitez pas à appeler Radio Guémozo au 03 29 62 40 40. Avis à la population. Nouvel ordre du jour. Les femmes et les enfants sont priés de rester chez eux. Barricadez vos fenêtres et condamnez vos portes. Le gang des Dalton est dans les parages. Prenez garde. Car aux quatre récidiviste qui braque les guichets des banques du Kentucky. Joe, Dino's Terre est né des Dalton, des Gencom, Travolta, Samuel L. Jackson. J'aime les lingots, les femmes à la Jodie Foster. Semer la terreur dans le Wisconsin, Desperado, les sentinelles, les boulets, les pioches, les barreaux. Je m'en tire la moustache, y'a pas Dalton sans tunnel. Chef de l'embuscade à cheval, guette l'étincelle, filé sur la mèche au bout de mon arsenal. Hey yo, mon nom c'est William, pas de Wallace, mais de Dalton. Ne t'étonne pas si dans les downers, tu ne confonds pas la Winchester avec le Remington. Je coupe les écrits près des balles, mais si blanc du L dans la verrée des buffales. Oh, il est dans sa peau, je me pose au salon de la poste. Oh, paupières se piotent et chope un sol dans le Scott et se roule qu'un trosser. Puis de les poches des riches et je t'y j'explique à vrai les jeux calmes, Joe. Après moi, Jack, le deuxième arrivant des frérots. Je suis le suiveur de la bande, celui qui fait que je lui demande et qui s'en contente de comprendre. Au Dalton serait une erreur, car vite dégainé, tiré et tué, on connaît ça par cœur. Notre labeur, c'est traquer des trains, bloquer les chemins, stopper les diligences du soir au matin. Hey Joe! Quoi? Quand est-ce qu'on mange? Ta gueule, je guette les commences. Marre d'attendre, j'ai mal au ventre. Mais ta gueule, tu vas nous faire opérer. Mais j'ai chute, tu l'ouvres et je te bute. Maman dit que je suis trop maigre. Dans tes vêtements de zèbre, tu fais honte roi de la pègre. Avrais-le, admets-le. Dis-toi, on rentre à quelle heure? On partira quand tu la fermeras. Bon, si c'est comme ça, je retourne à la casa. C'est ça, casse-toi. Je suis le dernier, de bras cassés de la bande. La bonne part de ce pénitencier, j'ai tiré la mauvaise pioche. Alors qu'il manigance un piège, un blanc bégé, le nez qui me démange. Je suis l'idiot de tous les villes. De l'Est au Nevada, vie de bandit. Les billets volés, je trouve ça joli. Ya ya ya, stop, les Dalton, vous êtes finis. Lucky Luke, encore celui-là. Passe-moi mes flags, Avril, je vais le fumer. Oh non, je les ai oubliés, Joe. En direct de Dalton du Nevada. Un télégramme, les Dalton se sont évadés. Je prends les clés de ma jambe pour Jolie. Pour cesser cette folie, le pauvre cowboy solitaire. Mais dans le mille, apparaît en ville, là où les bandits prolifèrent. Et le crack au punky Luke, il dégaine le micro plus vite que son ombre. Là où je passe, moi et les canailles tombent. Des cris, les quatre frères ont plaqué la diligence du pony. Express. Donc mec, faut garder sa vigilance, yes. Car non, ce n'est pas facile de sécuriser les routes de la rue et vers l'or du com. Un bandit revient dès que j'en gomme. Pourtant, partout je passe, les cadavres s'entassent. Gage, j'alimente ma légende et le bavard ne s'en lasse pas. Je suis le fournisseur officiel du pénitencier. Et je finis ma nuit au salon à regarder l'évidence. Et j'avertis, celui qui se révolte veut faire monter les vols. Tout ce que tu récolteras sera le plomb d'un de mes cold guards. Bam bam bam bam, c'est un homicide. Les mains en l'air, les quatre frères sont dans la ville. Bam bam bam bam, c'est un homicide. Les mains en l'air, les quatre frères sont dans la ville. Bam bam bam bam, c'est un homicide. Les mains en l'air, les quatre frères sont dans la ville. Les mains en l'air, les quatre frères sont dans la ville.